Chapitre 13. Y a-t-il un dragon, entité unique et merveilleuse, ou des dragons, race auprès de laquelle Etzlich ferait figure d'enfant chétif? Tant que l'homme restera confiné dans l'Empire, nous n'aurons pas la réponse. Le savoir passe par l'exploration. Maître Duomnilerg, courrier à l'empereur Silafian. Près de ses compagnons immobiles, Edwin avait posé un genou à terre. Son front touchait ses mains jointes sur le pommeau de son sabre. Il avait les yeux clos et sa respiration était sifflante. Son armure de cuir en lambeaux laissait s'échapper son sang par une dizaine de blessures, dont trois au moins auraient eu besoin d'être recousues. Les corps des quatre Tzlich gisaient autour de lui. Quand Camille et Salim apparurent, il leva la tête et un sourire naquit sur son visage marqué par l'épuisement. « Tu as réussi ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Oui. » La nouvelle agit comme un électrochoc. Avec une grimace, il se leva. « Vous êtes grièvement blessé ?» Salim était inquiet. Ses yeux allaient du maître d'armes au corps des Tzlich, aussi impressionnant mort que vivant. Il ne comprenait pas comment Edwin avait survécu un pareil affrontement et s'attendait à le voir s'écrouler d'une seconde à l'autre. Le maître d'armes le rassura. « Rien de grave, juste quelques coupures et un bon coup de fatigue. Je ne suis plus tout jeune. » Salim écarquilla les yeux. « 4 Tzlich et vous trouvez que vous vieillissez ?» Edwin sourit. « Le sabre des Willan m'a bien aidé. » Puis, il se tourna vers elle. « Et le gardien ?» Mais Camille s'était déjà plongée dans les spires. Elle connaissait désormais le dessein qui avait figé ses amis et les libéra aisément. Malgré leur immobilité forcée, ils avaient suivi tout ce qui s'était passé. De grosses larmes coulaient sur les joues de Maître Duhom. Il prit Camille et la serra contre son cœur. « Tu as réussi !» s'exclama-t-il. « Tu es merveilleuse !» Elle se dégagea gentiment, mais avec fermeté. « Ce n'est pas fini, » réagit-elle. « Il faut aider Bjorn et les autres. » Le visage de l'analyste se teinta de compassion. « Tu sais, Willan, j'ai peur que... »« Non, taisez-vous, vous ne savez rien. Tout est encore possible. » Elana et Edwin échangèrent un regard qui en disait long. Mais la jeune marchombre acquiesça. « Elle a raison, il faut y aller. » Camille lui adressa un sourire reconnaissant et se tourna vers Edwin. « Je peux t'y conduire avec un pas sur le côté, » lui proposa-t-elle. « Si tu te sens encore capable de combattre. » Elana, qui avait assisté avec émerveillement au combat d'Edwin contre les Tzlich, voulut intervenir, mais il ne lui en laissa pas le temps. « Ça ira, » affirma-t-il. « Je suis prêt. Attends !» La voix d'Artis avait claqué, autoritaire. « Il serait ridicule d'affronter les Raïs dans cet état. Accorde-moi une minute pour soigner tes blessures. » C'était plus un ordre qu'une demande. Et Edwin, sidéré, ne protesta pas. Le rêveur posa les mains sur ses épaules, ferma les yeux et ne bougea plus. Salim, qui se tenait près de lui, vit avec stupeur une plaie sur l'avant-bras d'Edwin cesser de saigner. Ses bords se rapprochèrent et il n'eut plus qu'une cicatrice, encore enflée, mais saine d'aspect. D'autres estafilades se suturèrent de la même façon et Artis recula d'un pas. « Voilà, j'ai fini. Ce n'est pas du grand art, mais ça devrait tenir le coup si tu n'exagères pas. » Edwin fit jouer son bras avec étonnement, mais déjà Camille lui saisissait la main. « Tu ne peux pas m'emporter aussi ?» insista Elana. « Non, je ne saurais expliquer pourquoi, mais j'en suis incapable. Ça ne fait rien, nous vous suivons. » Camille et Edwin disparurent. Les autres se regardèrent en souriant. « Cette petite est phénoménale !» déclara Maître Duhom. « Vous rendez-vous compte de ce qu'elle a réalisé ? Vous croyez que les figés vont réussir à libérer les spires ?» demanda Artis. « Ce ne sont plus les figés, » corrigea l'analyste, « mais les sentinelles. Et la voie est ouverte. Le verrou a sauté. Je l'ai senti dans mon corps comme si je rajeunissais de 10 ans. Je peux enfin dessiner, et crois-moi, c'est une impression merveilleuse. » Et si les Tzlich fermaient à nouveau l'imagination? Impossible. Nous savons que les guerriers lézards n'étaient plus très nombreux, et Edwin, depuis le début de cette aventure, en a éliminé 6. Les survivants n'auront plus jamais le pouvoir de bloquer les spires. Ilana contempla les corps monstrueux étendus sur le sol. Lui aussi est phénoménal, murmura-t-elle. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui lui arrive à la cheville. Allons-y, poursuivit-elle. J'ai peur qu'il n'y ait plus d'espoir pour nos amis, mais Ilana a raison. Nous devons croire à l'impossible tant que nous le pouvons. Camille et Edwin se matérialisèrent dans la partie haute de la galerie. Aussitôt, le maître d'armes se plaça devant elle et se mit en garde. C'était inutile, il n'y avait plus d'ennemis à combattre. L'entrée du boyau était encombrée par un amas de corps raïs, mais il n'y avait pas trace de Bjorn et de ses compagnons. Du dehors, montait une affreuse puanteur qui tira une grimace à Camille. « Que s'est-il passé ? » souffla-t-elle. Edwin lui fit signe de se taire et s'avança sur le qui-vive. Elle le suivit sans bruit et découvrit alors une hallucinante scène de carnage. Une bonne cinquantaine de guerriers raïs gisaient au sol. Leurs corps semblaient avoir été carbonisés. Certains fumaient encore. Quelques flammes s'éteignaient lentement dans les herbes et les buissons. Bjorn, Maniel et Chiam étaient assis sur un gros rocher et considéraient la scène avec ébahissement. Au moment où Edwin et Camille apparurent, le chevalier apostrophait ses amis. « Mais puisque je vous dis que c'était un dragon !» Maniel secoua la tête d'un air obstiné. « Les dragons n'existent pas, tout le monde sait ça !» « Et même s'il existait, » intervint Chiam vite, « pourquoi celui-ci venir à notre aide? Les raïs avoir été grillés et nous ne pas avoir été approchés par la moindre flamme ?» Camille adressa un clin d'œil à Edwin. « Parce que ce dragon est un copain !» lança-t-elle. Pris au dépourvu, les trois amis bondirent sur leurs pieds et Bjorn faillit s'étaler. « Quoi ? » s'exclama-t-il. « Qu'est-ce que tu dis ?» Puis, il prit réellement conscience de leur présence et courut vers eux, suivi par Chiam et Maniel. « Bon sang, Camille !» bafouilla-t-il. « Si tu es ici, c'est que... »« C'est fait !» révéla-t-elle en souriant largement. « Les sentinelles sont libres, les spires vont s'ouvrir. Et les autres ? Ils arrivent. » Bjorn poussa un hurlement de joie et bondit dans les bras de Maniel. Les deux géants se mirent à valser en se donnant dans le dos des claques à assommer un bœuf. Ils criaient et chantaient à la fois, tandis que Chiam, sur le rocher, riait à gorge déployée. Camille sentit un poids énorme quitter ses épaules.